Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous faisons ce matin notre cinquième vidéo et nous allons continuer l'étude du chapitre 2, si vous voulez bien, qui a pour titre Jésus supérieur aux anges. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous te prions que tu puisses nous aider ce matin à comprendre ce que tu nous dis. Et des fois, on a de la misère à saisir, mais nous comptons sur toi. Tu l'as écrit pour nous, tu l'as écrit pour ton peuple, tu l'as écrit pour ta gloire. Conduis ce matin dans ce texte et qu'on puisse te glorifier. Qu'on peut te glorifier de ce que tu as fait en nous, pour nous. Qu'on peut se glorifier pour Jésus-Christ, qui a rétabli l'ordre du chaos que nous avions causé par le péché. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Si vous voulez bien, nous allons lire ensemble le chapitre 2, verset 5. Jusqu'au verset 9. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Donc ici, l'auteur, pour démontrer la supériorité de Jésus, il va faire appel au psaume 8. Et si vous voulez bien, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de lire le psaume 8. Au chef des chants sur la Guittite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, les ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu lui as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains, et tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. L'Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Donc l'auteur ici va tirer du psaume 8 une vérité pour démontrer que Jésus est supérieur aux anges. Au verset 5, il commence en disant « En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. » Donc on dit « Mais de quel monde parle-t-il? » Et on est obligé de faire référence au monde dont il parlait dans chapitre 1, versets 6 et 5. Quand il introduit à nouveau le monde, le Fils premier-né dans le monde. Donc, c'est de ce monde-là dont on parle ici. C'est pas de sur cette terre. On parle pas ici. Certains théologiens croient ça. C'est correct. Moi, je pense plutôt qu'il parle du monde à venir, de ce monde merveilleux, glorieux, de ce monde qui contient tout l'univers, pas juste la terre, mais tout ce monde angélique, tout ce monde qui va être le nouveau ciel, nouvelle terre, où est-ce que les hommes et les femmes vont être parfaits et il n'y aurait plus de présence du péché. Ce n'est pas aux anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Vous savez, pour les Juifs et pour beaucoup de chrétiens aussi, quand on lit les Écritures, on voit que les anges ont certaines comme partie sur la terre. On voit ça dans l'Apocalypse, on voit ça dans Daniel, on voit ça dans Ézéchiel. On a l'impression, puis on a la conviction, je dirais, que les anges sont comme des gardiens de certaines parties du monde. Dieu a confié à certains anges certains endroits. On voit ça dans la Bible. On n'a pas le temps de faire le tour de tout cela, mais je suis convaincu que vous avez déjà vu cela quand vous avez lu l'Ancien Testament et l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. Mais ce n'est pas à des anges que Dieu va confier le monde à venir dont nous parlons. C'est à Jésus que Dieu va le faire. Verset 6. Quelqu'un a rendu de quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu t'occupes de l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu décides de vouloir le sauver? On va voir la prochaine fois qu'il n'est pas, il n'a pas fait ça pour les anges déchus. Et ce n'est pas à des hommes, à des anges qui vont venir en secours, mais à la postérité d'Abraham. Donc, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses pour l'homme ce que tu as fait? Qu'est-ce que l'homme? Ici, quand il dit « ou le fils de l'homme », il ne faut pas voir deux groupes ici. Il parle, d'un côté, il parle de l'homme, nous, et de l'autre côté, le fils de l'homme, Jésus. Non, non. Quand il cite ici, il cite les psaumes, c'est de la poésie hébraïque, et ils avaient tendance à répéter deux fois la même chose, en rajoutant ou en enlevant certains mots. Ici, je pense qu'il parle de l'homme, dans l'humanité, nous, les êtres humains. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme d'un sens générique pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'homme? Pour faire pour lui ce que tu n'as pas voulu faire pour les anges. Il dit, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Donc, s'il parle de l'homme, c'est ce que je crois, il dit, pour le moment, l'homme est sous les anges. Mais pour un peu de temps. La Bible nous dit ailleurs qu'on va juger les anges. Donc là, on va être par-dessus. Mais pour un temps, tu l'as abaissé pour un temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Quand ça? À la création, tu lui as donné de dominer sur la création. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Tu as donné à l'homme d'être le gérant de la création que tu as faite. Nous devions dominer le monde. En effet, en lui soumettant toutes choses, tu n'as rien laissé qui ne lui soit soumise. Donc Dieu a donné à l'homme l'autorité sur le monde qu'il a créé. Il dit, tu n'as rien laissé en dehors de son autorité. Et là, il se dépêche à dire, puis c'est ce que je pense à là aussi, cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. On ne voit pas que l'homme a un grand contrôle. Si on regarde le monde dans lequel on vit, l'homme en a fait un chaos total. C'est une vraie difficulté. L'homme essaye plutôt de réparer tout ce qui est brisé. L'homme essaie de dominer dans le monde, mais il n'est pas capable. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas à dominer la maladie, il n'arrive pas à dominer la violence, la guerre. Il n'y arrive pas à dominer. Même avec toute la technologie, il s'est tué plus de monde dans le 20e siècle que dans toutes les autres ensemble. J'ai entendu Don Carson dire que le premier siècle a fait 100 millions de morts à part les guerres. À part les guerres. Et les maladies. Et les accidents de route. L'homme a tué par millions et par millions et par millions les Juifs, des Juifs, des Russes, des Chinois, de toutes sortes de monde. Quand on regarde le monde aujourd'hui, on n'a pas l'impression que l'homme domine sur le monde dans lequel il vit. Il est plutôt, on le voit plutôt comme quelqu'un qui essaie d'éteindre des feux un peu partout. Il me semble, en tout cas, que le texte, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. L'homme que tu as créé pour être le gérant du monde dans lequel tu avais créé par le Fils. Et que le monde dans lequel tu l'as mis, il en a fait un chaos. Il en a fait un monde de violence, un monde de mort, un monde de tristesse, un monde d'agonie, un monde de souffrance. Un monde où on a peur de sortir de nos maisons. On s'enferme, on barre nos portes de tout quand on est dedans, on barre nos maisons quand on est à l'intérieur, on attache nos bicycles avec des chaînes après pour tout téléphone. On vit dans une espèce de peur de nos congénères en général. L'homme ne donne pas l'impression qu'il gère le monde dans lequel il vit. Pourtant, Dieu l'avait établi comme cela. On pourrait dire, et comme certains ont dit aussi, c'est un échec total. Dieu a fait un échec total. Il a fait un beau monde, parfait, il a mis l'homme dessus comme gérant, et l'homme a fait de ce monde une faillite totale. C'est pareil comme si nous autres, on prendrait quelqu'un qu'on établirait sur une compagnie qu'on a, sur un magasin qu'on possède, on met un gérant en place, puis 6 mois après, c'est la faillite, c'est la débâcle totale. On dirait, mais t'as pas été brillant de mettre ce gars-là en place. T'as pas été sage de mettre cet homme-là en place. Et souvent, quand on regarde l'homme dans sa folie totale, on a tendance à blâmer Dieu. C'est ce que j'ai fait personnellement pendant des années. Je disais, si c'est Dieu qui a créé le monde dans lequel nous vivons, mais c'est un mauvais Dieu. Parce que le monde, c'est une vraie place de fou, comme on dit des fois en québécois. C'est toujours de la souffrance alentour. On règle un problème, il va en être deux autres. On efface une maladie, il en sort deux autres. On enferme des criminels, puis il y en a toujours plus à enfermer, puis on bâtit toujours plus de prisons. Toujours plus d'hôpitaux psychiatriques. Les plus grosses compagnies qui font les plus gros bénéfices, c'est les compagnies pharmaceutiques, à ce que j'ai entendu. Donc, ils vivent de la maladie. Ils font des milliards sur la maladie des hommes. C'est le chaos total. Mais comme ça ne serait pas assez, juste ça. Mais on est assez fous pour s'entretuer entre nous. Par millions et par millions et par millions. Pendant que la moitié du monde crève parce qu'il mange trop, il y a une autre partie du monde qui crève parce qu'il mange pas assez. C'est un vrai chaos. Si je regarde le monde aujourd'hui d'un œil très froid, sans la parole de Dieu, je dirais c'est un monde qui va à la perdition, c'est un monde qui va s'auto-détruire, et plusieurs pensent ça. Mais il y a le verset 9. Mais, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus. Là, il parle, Jésus. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Voici celui qui va accomplir le psaume 8. Voici un homme, parce qu'il est devenu un homme. On va voir que c'est tout l'argument à partir du verset 10. Il est devenu un homme, il est devenu semblable aux hommes. Il a pris chair humaine, il est venu habiter parmi nous. Il est devenu 100% être humain. Et lui, par sa mort, qu'il a soufferte, par la volonté de Dieu, cette mort qui a soufferte pour tous, il va ramener l'ordre, il va ramener l'harmonie entre Dieu et les hommes et les hommes entre eux autres. L'harmonie entre les femmes et les hommes, imaginez-vous donc, quel miracle! L'harmonie entre parents et enfants. Plus besoin de système judiciaire, plus besoin de police et d'armée. Dans le monde nouveau, ces choses-là n'existeront plus. Mais il y en a eu un qui a décidé de s'abaisser sous les anges. Et il a décidé de venir et de se faire humain, de se faire homme. C'est à lui que Dieu a soumis le monde à venir. Ce nouveau monde qui va refléter la gloire de Dieu parfaitement. Ce n'est pas à des anges que Dieu va le soumettre. C'est à Jésus, l'homme parfait. Cet homme parfait qui va venir souffrir et mourir pour rétablir l'ordre, pour enlever le chaos, pour enlever la folie, pour amener la perfection dans les êtres humains et dans le monde. C'est lui qui va régner avec nous sur le nouveau monde, le nouveau ciel, la nouvelle terre. C'est lui, un homme. Un homme. Ce n'est pas des anges que Dieu a soumis de faire cela. C'est ce monde va lui être soumis à lui. Et à la postérité d'Abraham, qu'on va voir demain ou la prochaine fois. Il est au-dessus des anges, parce que Dieu lui a soumis le monde à venir. Mais pour lui soumettre le monde à venir, ce monde qui était destiné à l'homme pour la gloire de Dieu, Jésus va venir sur la terre. Il va faire quelque chose. Il va s'incarner pour ramener l'ordre à la gloire de Dieu. Notre Père du ciel, le monde que tu as créé, tu l'avais confié à l'être humain. On en a fait un chaos, une dompe, un dépotoir. Lorsque la mort et le péché et la souffrance est à tous les coins de rue. Mais le monde à venir, tu l'as soumis au Fils et à ceux qui vont être avec le Fils. On te bénit, Seigneur Jésus. On te bénit que tu as souffert afin de rétablir l'harmonie entre nous et Dieu, et entre nous, les hommes. Mais tu pouvais faire cela justement parce que tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus des anges. Tu es supérieur aux anges. Un ange n'aurait pas pu faire cela. C'est parce que tu étais le Fils de Dieu, Créateur, que tu as pu fais ce que tu as fait. C'est pour ça que c'est toi qui vas régner sur les nouveaux cieux, nouvelle terre, avec la postérité d'Abraham. Merci notre Père, ton plan est parfait, ton plan est logique, ton plan est intelligent. Merci notre Dieu. Amen.